j'arrive et vous me fuyez. Ah, c'est vous, Dorante. Je ne vous fuis point, je m'en retourne. De grâce, donnez-moi un instant d'audience. Un instant à la lettre, au moins, car j'ai peur qu'il ne me vienne compagnie. On vous avertira s'il vous en vient. Souffrez que je vous parle de mon amour. N'est-ce que cela? Je sais votre amour par cœur. Que me veut-il donc encore, cet amour? Hélas, madame, de l'air dont vous m'écoutez, je vois bien que je vous ennuie. À vous dire vrai, votre prélude n'est pas amusant. Que je suis malheureux. Qu'êtes-vous devenu pour moi? Vous me désespérez. Dorante, quand quitterez-vous ce ton lugubre et cet air noir? Faut-il que je vous aime encore après d'aussi cruelles réponses que celles que vous me faites? Cruelles réponses? Avec quel goût prononcez-vous cela? Que vous auriez été un excellent héros de roman. Votre cœur a manqué sa vocation, Dorante. Ingrate que vous êtes. Ce style-là ne me corrigera guère. Tenez, monsieur, vos tristesses sont si contagieuses qu'elles ont gagné jusqu'à votre valet. On l'entend qui soupire. J'ai besoin de tout mon respect pour ne pas éclater de colère. Et d'où vous vient de la colère, monsieur? De quoi vous plaignez-vous, s'il vous plaît? Est-ce de l'amour que vous avez pour moi? Je n'y saurais que faire. Ce n'est pas un crime de vous paraître aimable. Est-ce de l'amour que vous voudriez que j'eusse et que je n'ai point? Ce n'est pas ma faute s'il ne m'est pas venu. Il vous est fort permis de souhaiter que j'en ai. Mais de venir me reprocher que je n'en ai point, cela n'est pas raisonnable. Les sentiments de votre cœur ne font pas la loi du mien. Prenez-y garde. Vous traitez cela comme une dette et ce n'en est pas une. Soupirez, monsieur. Vous en êtes le maître. Je n'ai pas le droit de vous en empêcher, mais n'exigez pas que je soupire. Accoutumez-vous à penser que vos soupirs ne m'obligent point à les accompagner des miens. Pas même à m'en amuser. Je les trouvais autrefois plus supportables, mais je vous annonce que le ton qu'ils prennent aujourd'hui m'ennuie. Réglez-vous là-dessus. Adieu, monsieur. Encore un mot, madame. Vous ne m'aimez donc plus. Eh, plus est singulier. Je ne me ressouviens pas trop de vous avoir aimé. Non! Je vous jure, ma foi, que je ne m'en ressouviendrai de ma vie non plus. En tout cas, vous n'oublierez qu'un rêve.